Martino. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 7 mai 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Près de 2 tonnes de sucre destinées à la zone Nyakabiga ont été saisies la nuit de ce jeudi à vendredi à Tcharama. Vous entendrez les précisions du chef de zone Nyakabiga. Et le trafic sur la route nationale Bujumbura-Rumonge est devenu très difficile après la coupure hier après-midi du pont de la rivière Kirasa en zone Gitaza. Notre correspondant se trouve là-bas. Il se rend en ligne pour nous décrire la situation. Et les cérémonies de signature d'une convention de relance des activités de construction du port de Bujumbura ont eu lieu ce vendredi entre les gouvernements burundais et japonais. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère en charge des infrastructures devrait tirer les conséquences du comportement actuel du lac Tanganyika pour que les infrastructures en réalisation s'alignent sur les standards qui tiennent compte de cette situation. C'est une recommandation du Conseil des ministres de ce mercredi. Prosper Narugwamiye, secrétaire général de l'État, indique que les sinistrés des zones inondées ont besoin d'un appui et les ministères sectoriels sont appelés à intervenir. Suivez Prosper Narugwamiye. Le lac Tanganyika joue un rôle important dans l'économie du pays. En plus d'être un réservoir d'eau douce, il héberge une biodiversité énorme et contribue au transport maritime. Dans le souci d'assurer une bonne gestion du secteur eau et du lac Tanganyika, plusieurs politiques, stratégies et textes ont été mis en place. Ainsi, le Code de l'eau de 2012 prévoit une bande de 150 mètres de largeur à partir des eaux du lac qui fait partie du domaine public. Malgré tous ces efforts, le littoral du lac Tanganyika est géré d'une manière anarchique et irrationnelle. Afin d'y remédier, le ministère en charge de l'Environnement a produit un plan d'aménagement intégré du littoral du lac Tanganyika qui tient compte des aspects environnementaux, touristique et économique. Ce document a pour mission d'orienter les décideurs, les investisseurs pour que le littoral du lac Tanganyika soit valorisé et protégé. Ce plan montre l'état des lieux du littoral du lac Tanganyika sur une distance de 35 km depuis la rivière Kagera 1 jusqu'à la rivière Kirasa ainsi que les propositions schématiques des occupations diverses. Après échange et débat sur ce document, le Conseil des ministres a fait observer que le document mérite un approfondissement avec l'appui des experts des divers domaines. Il est nécessaire que les zones menacées soient bien surveillées pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infrastructures qui soient érigées. Les sinistrés des zones inondées ont besoin d'un appui et les ministères sectoriels sont appelés à intervenir dans les limites du cadre d'accompagnement du gouvernement. Le ministère en charge des infrastructures devrait tirer les conséquences du comportement actuel du lac Tanganyika pour que les infrastructures en cours d'étude ou en réalisation s'alignent sur des standards, tiennent compte de la situation actuelle. Il faut des études d'assainissement des rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika pour le protéger contre la pollution et protéger les riverains de ces rivières. Le document plus approfondi sera amené en Conseil des ministres pour validation. Prosper Narugwamiye, secrétaire général de l'État. La vulgarisation de la loi, la disponibilité et la vulgarisation des semences fourragères figurent parmi les mesures préalables d'accompagnement pour la mise en application de la loi de 2018 portant stabulation permanente et interdiction de divagation des animaux domestiques et de la basse cour au Burundi. Il reste 5 mois pour un délai de 3 ans qui était prévu pour la mise en application de la présente loi. Vestine Boutoyi nous a lu ce document, compte rendu de lecture. La loi du 4 octobre 2018 portant stabulation permanente et l'interdiction de divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi précise en son article 36 les mesures préalables d'accompagnement pour la mise en application de la présente loi. Ces mesures sont les suivantes. La première concerne la vulgarisation de la loi. La deuxième est relative au renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage. La troisième parle de l'extension du service d'encadrement de proximité, techniciens vétérinaires dans toutes les zones et agents communautaires de santé animale sur toutes les collines. La quatrième mesure préalable concerne la disponibilité et la vulgarisation des semences fourragères. La cinquième stipule la mise en place d'un fonds de subvention d'intra d'élevage. La sixième concerne la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs. La septième est relative à l'organisation des éleveurs en association. La huitième évoque la généralisation de l'insémination artificielle. La neuvième exige la mise à la disposition des éleveurs, des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétique. La dixième et la dernière mesure préalable d'accompagnement pour la mise en application de la dite loi concerne la détermination des zones publiques d'élevage. Il y reste 5 mois, dans un délai de 3 ans qui était prévu pour appliquer la loi du 4 octobre 2018 portant stabilisation permanente et l'interdiction de divagation des animaux domestiques et de basse-cour au Burundi. Le couple Ndabarushimana Oscar et Manira Mbona Janine de la colline Gaharo en commune de Chambre de la province Karuzi a mis au monde des triplés ce mercredi. Cette famille vulnérable demande une assistance en vivres et matériels pour pouvoir survivre, comme le confirment les sources administratives sur place. Ce couple venait à peine de s'installer sur cette colline en provenance de la colline Muhororo de cette même commune après le retour de la province Makamba où il venait de passer 3 ans à la recherche de moyens de survie. Mais en vain, le triplé faisant un total de 6 enfants dont l'aîné n'a que 6 ans. Assister les vulnérables touchés par les inondations des eaux du lac Tanganyika, c'est l'un des projets prioritaires de la Croix-Rouge Burundi pour cette année. C'est ce qu'a déclaré la représentante du Comité international de la Croix-Rouge au Burundi, lors de la célébration ce vendredi de la Journée internationale de la Croix-Rouge édition 2021. Loire Perrine fait savoir que la Croix-Rouge, en collaboration avec le gouvernement, sont en train d'appuyer le programme de réintégration des rapatriés. Suivez-la. C'est clairement quelque chose d'assez compliqué, qui est la réinsertion, notamment des personnes rapatriées, c'est qu'ils ne reviennent pas dans des communautés riches et prospères. Les personnes qui ont fui à un moment, ceux qui sont restés, vous savez un peu la réalité des conditions de vie en province. La vie est difficile, ça n'a pas été une année non plus au niveau récolte formidable. Il a plu trop et pas assez. C'est toujours difficile de réintégrer des personnes dans une communauté qui est pauvre et démunie. Donc il y a eu effectivement, dans lequel c'est inscrit beaucoup la Croix-Rouge burundaise et ses partenaires, des projets de réinsertion. Il y a aussi une aide au retour qui est apportée à chaque personne qui revienne. La Croix-Rouge burundaise a fait cette démarche extrêmement importante, relayée par les autorités, d'essayer de préserver les terrains et les biens des personnes qui étaient parties. C'est les personnes vulnérables, c'est surtout des femmes avec des enfants qui sont seules, qui parfois ont des conditions physiques ou mentales. On ne peut pas les rapatrier correctement, sans une attention particulière sur l'accueil, ce qu'elle va pouvoir retrouver au niveau de son pays. Et il y a souvent beaucoup de travail de recherche qui se fait avant de faire un rapatriement, beaucoup avec la Croix-Rouge burundaise, mais aussi beaucoup avec les communautés d'accueil, savoir comment on va appuyer ces familles ou ces cas vulnérables. C'était Loire Perrine, représentante du Comité international de la Croix-Rouge au Burundi. Le prolongement de l'échéance de remboursement des crédits jusqu'à 5 ans de plus, la rapidité et l'accessibilité des services font partie des avantages de la transformation du Fonds de promotion de l'habitat urbain en Banque de l'habitat du Burundi. Didas Ngendakumana, administrateur directeur général de cette banque, dit que pour satisfaire la clientèle, le capital social qui est actuellement de 13 milliards va être augmenté. Suivez-le au micro d'Armer Motori. Nous avons remarqué qu'avec cette transformation, les clients de l'ex-fonds de promotion de l'habitat urbain vont beaucoup gagner. Et si nos clients gagnent, nous aussi nous gagnons. C'est ainsi que nous avons décidé d'accélérer la transformation jusqu'à ce que le fonds de promotion de l'habitat urbain devienne la banque de l'habitat du Burundi la semaine dernière. Avec la Banque de l'Habitat du Burundi, nous allons diversifier nos produits, notamment en finançant l'import-export des matériaux de construction, en finançant aussi les industries de fabrication des matériaux de construction, en finançant toute la chaîne de valeur, dès la production, la transformation, le transport, l'import-export. À côté de cela, les services deviendront plus rapides par rapport aux anciennes pratiques, et notamment en suivant le processus d'octroi de crédit. Ça veut dire que si le client demande un crédit pour financer l'un ou l'autre projet, le traitement sera rapide d'abord parce qu'il pourra recevoir des informations sur le téléphone mobile et sur l'état d'avancement de son dossier. Actuellement, on était en train de traiter le dossier. Si le dossier est complet, généralement dans une semaine, le client peut avoir le crédit. Avec la Banque de l'Habitat du Burundi, le délai doit être raccourci. Et le client pourra aussi être informé sur la situation de son compte par des messages, smartphone ou même les petits téléphones. Notre clientèle va continuer à bénéficier des produits et des services qui seront offerts par la Banque de l'Habitat du Burundi dans nos agences à Ngozi, à Gitega et à Rumonge, et ici au siège, et même dans d'autres agences qui seront ouvertes dans la ville de Bujumbura. Cette même année 2021, nous allons ouvrir au moins 3 ou 4 agences dans la ville de Bujumbura. Et nous comptons continuer faire de même pour décentraliser nos services et produits dans d'autres provinces du Burundi. Il n'y en aura pas parce que nous avons décidé de créer la Banque de l'Habitat du Burundi pour donner plus de facilité à notre clientèle. Nous allons essayer de réduire les conditions d'accès pour les clients à nos produits et services, notamment en termes de taux d'intérêt créditaire pour ceux-là qui viennent épargner relativement élevé par rapport aux autres banques, mais aussi bénéficier des taux d'intérêt débiteurs pour ceux-là qui vont contracter des crédits et pour réaliser différents projets. Didas Ngendakoumana, administrateur directeur général de la Banque de l'Habitat du Burundi. Je vous l'avais dit dans les titres, près de 2 tonnes de sucre destinées à la zone Nyakabiga ont été saisies la nuit de ce jeudi à Tcharama, au nord de la mairie de Bujumbura, comme confirmé par le chef de zone Nyakabiga. Sur 5 personnes qui approvisionnent cette zone en sucre, seules 2 arrivent à destination. Gervain Dihokubgayo dit que ce sucre sera vendu et que les revenus entreront au trésor public. Kuronka umuntu aduha inkuru edusha dusanga hariho umuntu yagiye gutora isukari ku izina. Nous avons reçu une information qui nous parlait de quelqu'un qui est allé réceptionner du sucre au nom de la zone Nyakabiga alors qu'il n'est pas résident de la zone. Même son point de vente n'était pas en zone Nyakabiga. Après cette information, nous avons essayé de faire un suivi et on est parvenu à trouver où était stockée cette denrée. En effet, le constat est qu'il y a des commissionnaires qui suivent de près le circuit du sucre à partir de la Sosumo. Celui qu'on a attrapé figure parmi ceux-là, mais nous n'avons pas encore mis la main sur l'acheteur. La quantité qu'on a saisie, on l'a retrouvée à Tcharama, mais sa première destination, c'était Kinama. Nous sommes passés là où il travaille, même à son domicile. En fait, en zone Nyakabiga, nous avons 5 personnes qui reçoivent le sucre, alors que non. Nous avons mené des enquêtes pour en savoir plus. J'ai même téléphoné ces commerçants. Il y a celui qui m'a répondu qu'il était à Tchankouzo et l'autre qui m'a répondu qu'il était à Ruigi, alors qu'ils sont mentionnés sur la liste stipulant qu'ils reçoivent le sucre destiné à la zone Nyakabiga. Voilà, c'était le chef de zone de Nyakabiga. Environ 31 millions de dollars américains, c'est le coût total d'extension et de réhabilitation du port de Bujumbura. Ces activités qui avaient débuté au cours de l'an 2014, mais suspendues pour plusieurs raisons, dont la pandémie de Covid-19, redémarreront au cours de cette année. Des cérémonies de signature par le gouvernement du Burundi et le gouvernement japonais sur la relance des activités de construction du port de Bujumbura ont eu lieu ce vendredi. On fait le point avec Ornella Mucho. Lors de ces cérémonies de signature sur la relance des activités de construction du port de Bujumbura ce vendredi, il a d'abord été expliqué les raisons de suspension de ce projet qui devrait démarrer en 2014. Il a été cité, entre autres, la crise politique par laquelle le Burundi a fait face en 2015 et la pandémie de la COVID-19 qui a touché le monde entier depuis la fin de l'an 2019. Le directeur général de l'autorité maritime portuaire et ferroviaire, Jacques Wigilimana, précise qu'actuellement, le projet est à l'étape de construction d'une entreprise japonaise attributaire du marché, tandis qu'il y a une autre entreprise japonaise qui a été recrutée pour assurer l'assistance technique à l'autorité maritime. Il a également été souligné que ce projet à quatre composantes, à savoir la construction du terminal à conteneurs, la construction du chantier naval pour la construction et la réparation des bateaux, la déviation du canal d'Obuyenzi ainsi que le dragage du bassin portuaire. Réduire le coût du transport avec comme objectif de promouvoir le transport maritime est l'un des objectifs de ce projet. Ce projet redémarrera au cours de cette année et prendra fin le 31 août 2022. La relance des activités d'extension et réhabilitation du port de Bujumbura a été signée par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Japon au Burundi et le représentant de la JICA avec résidence à Kigali. Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, le trafic sur la route nationale Bujumbura-Rumonge est devenu très difficile après la coupure hier après-midi du pont de la rivière Kirasa en zone Gitaza. Aucun véhicule ne passe, mais les passagers parviennent à se débrouiller pour embarquer des véhicules de part et d'autre de cette rivière. Évariste Nzikobanyanga vient d'avoir notre correspondant Jean-Pierre Misago au téléphone. Il nous décrit la situation. Jean-Pierre Misago, tu es à Gitaza, commune Rumonge, là où la route a été coupée depuis hier. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Le passage sur ce pont au niveau de la rivière Kirasa est problématique parce que les personnes qui s'alimentent en produits vivriers qu'ils vont utiliser, notamment dans les restaurants de Bujumbura, sont obligés d'embarquer dans un premier temps leur bagage à partir du marché moderne de Kitaza. Et puis, au niveau de la rivière Kirasa, ils sont obligés de solliciter l'intervention des personnes qui vont déplacer ces bagages à pied ou bien vont utiliser des vélos. Et tout cela va augmenter le prix de transport des produits vivriers à un prix qui va s'ajouter probablement au prix de consommation parce que les commerçants interrogés sur place disent qu'ils ne peuvent pas travailler à perte. Ça veut dire que le consommateur va en payer le prix. C'est-à-dire, de l'autre côté de la province Bujumbura, il y a des véhicules qui embarquent les personnes, qui embarquent les marchandises. Effectivement, certains véhicules partent de Bujumbura et stationnent au niveau de la Kirasa côté Kabezi et d'autres qui proviennent de Rumonge vont stationner du côté de Muhuta. Vu l'importance de la route sur l'économie du pays, qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Selon l'administrateur communal de Muhuta, avec qui nous sommes ensemble sur place sur le pont Kirasa, c'est qu'il a déjà contacté le ministère ayant les infrastructures publiques dans ses attributions et selon elle, ce ministère a promis de dépêcher une équipe sur place pour voir l'état des lieux et probablement pour voir une solution provisoire pour permettre au trafic de continuer son cours normal. Jean-Pierre Misago, notre correspondant à Rumonge, qui était au téléphone avec Évariste Nzikobanyanga. En bref, pour terminer ce journal, la réhabilitation du terrain des compétitions de Toyota à Gikungu et le décalage des heures des matchs sont certains des futurs projets de l'association des clubs de basketball amateur Bujumbura. Aimé Christian Nibigira, réélu ce jeudi pour une période de 4 ans à la présidence de cette association, envisage de réviser les textes réglementaires pour initier ces projets.